faut que j'arrête. Comme je suis si programmé, ma vie s'en va en fumée. C'est une question de volonté, seul Dieu peut me sauver. J'ai tout essayé, toujours récidivé. C'est une question de volonté, seul Dieu peut me sauver. Oh, seul Dieu peut me sauver. Il faut que j'arrête.